La cérémonie de remise du titre de docteur en sciences sociopolitiques de la République populaire démocratique de Corée aux adeptes des études jetées s'est déroulée le 13 au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part les officiels intéressés, l'administrateur général de l'Institut international des études jetées, Ramon Jiménez-López et sa suite, les délégations et délégués des organisations d'études des études jetées en visite en Corée à l'occasion de la Journée du Soleil. À la suite de la transmission des résolutions du comité de collation des titres académiques et universitaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le titre de docteur en sciences sociopolitiques est remis respectivement à Songjit Pla, président de l'Organisation d'études des études jetées de Thaïlande, et à Roland Billy Mukilenge, président du Cercle d'études de la politique de Sungun de l'Université Bandundu du Congo démocratique, qui ont consenti de grands efforts pour l'étude et la vulgarisation des études jetées.